C'est le temps de la désannonce et de l'annonce du programme du jour, parce que, je peux commencer directement, à 12h30, donc dans une minute à peu près, commencera le partage d'écoute de Rodri Davis, et ça va se passer au salon d'écoute. Ensuite, un dragon qui n'aimait pas le feu, pas de bol. Les élèves de la classe de harpe du Conservatoire Populaire vont présenter ce conte mis en musique dans la salle de jeu. Et ça, ce sera à 17h30, 17h et 17h30. Ensuite, le concert de Violeta Garcia, qui nous a accompagné une partie de cette émission, ça se passera à 18h à 18h45 dans le salon d'écoute. Ensuite, Disruption, Early Video Art in Europe. C'est un programme qui est co-organisé par Archipel et le FMAC. Et donc, ça se passe au FMAC de 19h à 20h. Et il y aura notamment Flo Kaufmann qui présentera un synthétiseur audio-vidéo qui s'appelle EMS Spectrum. Flo Kaufmann qui sera à nouveau ici donc dans la maison de quartier de Plainpalais, la maison de quartier, la maison, c'est pas une communale, maison de quartier, la maison communale, ouais, oui, enfin oui, quartier pareil, communal, oui, mais bon, dans le quartier de Plainpalais, il sera là de nouveau demain pour proposer ses soins et autres massages sonores. En attendant, toujours aujourd'hui, le jeudi 10, il y aura le concert de Many Many Hobo qui aura lieu dans la grande salle de 20h à 21h, suivi du concert de Sébastien Roux dans l'Acousmonium du Salon d'écoute, et ça se passera à 22h, entre 22h et 23h. Le concert s'intitule Les disparitions ambiantes et acousmatiques, c'est une commande d'Archipel, et puis ça résonne aussi un petit peu avec le travail de Rudy Desselières, dont on a entendu quelques extraits de l'installation que vous pouvez toujours visiter dans l'église Saint-François, non loin de la maison communale de Plainpalais. Et puis toutes les autres installations sonores sont ouvertes aujourd'hui. Celle de Rudy Desselières, celle de Flo Kaufmann, Thierry Madiot, Gwendoline Robin, Tetsuya Umeda. Donc, passez nous voir. Et bien. Et maintenant. C'est le moment de se dire. Au revoir. Adios. Adios. Hasta luego. Si. On se reverra demain. Bientôt. Oui. On se retrouve. Mais bientôt. Sans moi. Mais je penserai fort à toi. Nous reverrons. Je t'écouterai. Un jour ou l'autre. Oui, donc demain, je t'écouterai dans voilà, le train. Ce sera une émission un peu critique parce qu'elle sera gérée ou pas, mais par moi. Voilà. Mais tout va bien se passer. Tout va bien se passer, oui. Je suis extrêmement nerveux. Ça va aller super. Oui. Et maintenant, le partage d'écoute donc, qui se trouve mais au Emma, salon d'écoute. Tu reviendras samedi. Et je reviendrai samedi, évidemment. Et oui. En fait, je serai de toute façon là à planer. Je te laisserai des petits mots. Et comme ça, tu pourras toujours retourner avec des questions mystères. En esprit. Oui. Toujours. Voilà. Et maintenant, le partage d'écoute de Rodri Davis qui a commencé il y a 3 minutes environ. Non, en vrai, un peu moins. Là-haut. Donc, voilà. On vous laisse avec Rodri Davis en direct du salon d'écoute. Besitos a tutas. Besitos. Ciao, ciao.